Chapitre 238. Le mérite de l'esclave qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah et envers ses maîtres. 1362. Selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Un esclave loyal avec son maître et adorant Allah comme il se doit, reçoit une double récompense. » Al-Bukhari et Muslim. 1363. D'après Abu Hurayrah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'esclave vertueux et honnête obtient une double récompense. » Abu Hurayrah ajouta « Par celui qui tient l'âme d'Abu Hurayrah dans sa main, n'eût été le djihad, le pèlerinage et la piété envers ma mère, j'aurais aimé mourir esclave. » Al-Bukhari et Muslim. 1364. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'esclave qui adore son Seigneur comme il se doit et respecte les droits de son maître avec loyauté et obéissance obtiendra une double récompense. » Al-Bukhari. 1365. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Trois catégories de gens recevront une double récompense. Un juif ou un chrétien qui croit à la fois en son prophète et en Muhammad. Un esclave qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah et envers ses maîtres. Et un homme qui a éduqué et instruit convenablement une esclave sous sa tutelle pour ensuite l'affranchir et l'épouser. Il recevra alors une double récompense. » Al-Bukhari et Muslim. 1365.